du plat pays au peuple des montagnes. Expérience d'un originaire du pays de l'Afrique, des CCC, cellules communistes combattantes, du colonialisme au Congo et de Marguerite Bervoutz, à la rencontre de ce qu'elle représente, avec le mouvement zapatiste, la plus inspirante révolution du XXIe siècle. La lutte du peuple kurde et la construction collective au Rojava d'une alternative démocratique à la modernité capitaliste avec toutes les identités qui le composent, arabes, assyriens, yézidis, arméniens et autres. Une alternative qui, malgré la brutale répression, s'étend dans la région, comme on le voit en Iran, et qui en inspire de plus en plus sur les différents continents. Saison 1. Des tatouages et des cœurs grands comme ça. Dans une première série d'épisodes, je vous partage des entretiens avec des membres des Yépégé International, le groupe au sein des unités de défense du peuple qui accueille des personnes des quatre coins du monde, nourries de valeurs socialistes, libertaires et internationalistes. Je leur ai posé des questions variées, sortant du cadre journalistique classique, allant de souvenirs d'enfance à des rêves d'avenir. Épisode 2, Marcel, des bouquins, des racines et des rêves. Originaire du sud de la France, âgé de 30 ans, il est la preuve en acte que des livres peuvent changer une vie. Passionné de philosophie et d'histoire, il ne renierait pas le proverbe africain attribué au grand intellectuel malien Amadou Ampateba, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tant il incarne ce profond respect pour l'expérience des anciennes, ainsi que pour les autres cultures et formes de savoir. Moi, quand je serai grand, je serai pirate. J'ai toujours rêvé d'être pirate, d'être libre comme les pirates. Parce que, en fait, j'avais regardé Pirates des Caraïbes. Je crois que j'avais 9-10 ans. Et du coup, ouais, ça m'a fait rêver. Sans le côté fantastique et tout ça, mais le côté, ouais, libre, naviguer sur les mers en étant libre. Et voilà, ouais, j'ai toujours rêvé d'être pirate. Une fois au collège, je me rappelle, on parlait de l'histoire de Louis XIV, de l'histoire de Versailles, et le prof nous disait, c'est magnifique, ce qu'ils ont construit, ce qu'il a fait Louis XIV. Le château de Versailles, c'est vraiment un endroit magnifique, incroyable, cette somptuosité, dans les détails, des sculptures, des jardins, etc. Moi, j'ai levé la main et j'ai dit, oui, mais le château de Versailles, il a été financé par l'esclavage. Et le prof m'a répondu, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça en classe. J'ai été bouche bée, quoi. Enfin, j'étais vachement déçu du prof parce que on avait de bons rapports. C'était un prof d'histoire. Moi, j'adorais l'histoire. Savoir ce qui s'était passé avant, où ça s'était passé, essayer de comprendre le présent. Depuis cet épisode, ouais, on a plus eu les mêmes rapports parce que, voilà, il m'a répondu ça et moi, ça m'a figé. Je me suis dit, mais pourquoi on parle pas de ça? Et en fait, c'est après que j'ai compris que voilà, les programmes ils étaient faits de telle façon que le prof devait suivre la ligne du gouvernement, sinon il était écarté, il avait plus de travail. Tout un processus derrière. Pourquoi il m'a répondu ça? Peut-être que dans le privé, il m'aurait pas répondu de la même façon. En fait, je crois que je n'ai pas tellement entendu parler, mais c'était en 2017, peut-être avant 2016. En fait, c'est ma libraire qui m'a conseillé un livre. Et comme je lisais beaucoup de livres politiques, beaucoup de livres anarchistes, communistes et tout ça, elle m'a dit un livre qui vient plus de ressortir en français. Et lis-le et tu me diras ce que tu en penses. Et ce livre, c'était Kobane Calling de Zero Calcare, je crois. L'italien, il avait fait une BD et j'ai trouvé cette BD vraiment fantastique. Après, j'en ai parlé avec ma libraire et il décrit très très bien les choses. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de venir. Et après, j'ai commencé à me renseigner un peu plus en lisant plus de livres, en parlant avec les gens. Je connaissais un petit peu le projet d'ici. Je savais pas qu'il y avait plusieurs groupes ici, c'est-à-dire, par exemple, il y a les YPG, il y a la commune, il y a les anarchistes. Moi, je pensais qu'il y avait que les YPG. Et du coup, voilà, je suis un peu venu ici et c'est après, en étant ici, que j'ai appris qu'il y avait plusieurs groupes. Même je pense que j'aurais choisi les YPG parce que en fait avant je détestais les armes, mais vraiment c'était un truc que je pouvais pas comprendre, les armes, la guerre, le militaire et tout ça. Et pour me confronter à ça, pour voir ce que c'était vraiment d'avoir une arme sur soi, de s'en servir. Je suis venu ici, mais au début j'étais complètement perdu avec les armes. On m'a bien expliqué que c'était qu'un outil, qu'il y avait différentes façons de s'en servir. En fait, c'était comme le couteau pour couper les légumes ou pour tuer. Voilà, c'est le même outil, mais tu t'en sers de différentes façons. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est aussi de voir l'espoir, parce que je pense qu'il y a deux endroits du monde où il y a ce genre d'espoir, de communauté qui se crée, communauté autonome. Ici, au Rojava, et je pense au Chiapas aussi. Et du coup, voilà, je voulais soit aller au Chiapas, soit venir ici. J'ai choisi ici parce que il y a plus d'aspects militaires et c'est plus encadré pour avoir de l'espoir, pour voir la société aussi, pour apprendre le kurde et l'arabe, mais bon. Voilà, j'ai pas trop le temps d'apprendre parce qu'il y a tellement de choses à faire tous les jours, en fait, de nouvelles choses à faire tous les jours. C'est vraiment, on n'a pas le temps de se poser pour étudier quelque chose ou même pour travailler sur un sujet bien précis. On est tout le temps à droite ou à gauche, mais c'est ça aussi qui fait la beauté du Rojava. Ma mère et mon père ont été très inspirants pour moi. Ma mère parce que j'étais plus en contact avec elle qu'avec mon père. M'a appris ce que c'était l'amour, le respect des autres, et je pense que ça m'a servi pour aujourd'hui et même ça me servira toute ma vie, d'aimer mon prochain, de pas être violent quand je parle, d'essayer de tout le temps rester calme, attentive à ce que la personne elle veut. Je pense que c'est ma mère qui m'a apporté ça. Et après de l'autre côté, mon père c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des rapports assez compliqués avec lui, mais en fait je suis le fils aîné. Et lui aussi, c'est le fils aîné. J'ai des origines africaines par mon père. Et du coup, il m'a un peu élevé à l'africaine, c'est-à-dire travail dur maintenant, travail proprement, fais les choses bien, correctement, et t'en seras récompensé plus tard. Et je pense que ça me sert encore aujourd'hui, d'être toujours clean. Et aussi, je pense que, oui, il m'a appris... je me suis beaucoup renseigné avec la résistance africaine, durant les colonies françaises, durant l'esclavage... du commerce triangulaire. Je suis beaucoup renseigné sur l'Afrique, sur son histoire, qu'on oublie parfois. Et même encore aujourd'hui, on pense que l'Afrique, comme disait un ancien président français, les Africains ne sont pas assez rentrés dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Je pense que, parce qu'on les efface en fait, on les raye de l'histoire, donc du coup, c'est normal qu'ils soient pas rentrés dans l'histoire avec, entre guillemets, évidemment. Je pense que ouais, l'Afrique est trop souvent oubliée, même ici, je veux dire, on est que des Européens ou des Américains à venir ici. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que voilà, on a plus d'argent pour voyager. Je divague un peu. Je pars un peu dans tous les sens, mais ouais, c'est mon père, je pense que voilà, je me suis renseigné parce que j'avais ouais, ce côté africain, ce côté de ce besoin aussi de racines, de retrouver mes origines, mes racines. Je pense que depuis tout petit, j'ai ce besoin-là. L'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres. Au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. C'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Ça fait bizarre contre les Africains number one. Ça fait bizarre contre les Africains champion. Ça fait du mal d'humilier tous ces millions, même millions qui te donnent pour que tu rayonnes. On nous a dit qu'on n'est pas civilisé, un bel alibi pour venir coloniser. On nous a nié le rôle principal qu'on a joué, le berceau de l'humanité. C'est bien là, on va pas déviser. Loin de nous va des rétros, la vanité. Quelle vérité, renaissance avec humilité. Il faut le dire, pas altère à l'humanité. Y'a trop de colibés qu'en Afrique, y'en n'a pas mérité. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont créé, commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Et je me rappelle de mon premier voyage au Cameroun, enfin, c'était la première fois que je sortais d'Europe, et un gros, gros changement par rapport à ce qu'était l'Europe. Je pense que c'est ça aussi qui m'a construit, de voir le visage du Cameroun actuel. C'est encore un climat colonialiste, impérialiste, dirigé par les Français. T'es soit très riche, soit très pauvre. Et moi, j'ai de la famille dans les deux cases. Je me rappelle, on était allé chez un proche du président Paul Biya, et on est allé manger chez lui. Et juste parce que sa fille, elle avait nettoyé la cuisine, il lui avait donné un iPod, je crois, c'était à l'époque. Moi, je trouvais ça vraiment complètement fou, et j'allais dire à mes parents, mais pourquoi moi j'ai pas d'iPod? C'était un truc complètement fou pour moi. Enfin, voilà, c'est la démesure la plus totale. Et à côté de ça, t'as vraiment les pauvres. On peut pas imaginer ça chez nous, hein, mais ils vivent dans la brousse. Je me rappelle de la sœur à ma grand-mère. D'ailleurs, elle savait pas prononcer mon prénom, mais c'est un détail. Mais enfin voilà, elle dormait sur un même pas matelas, c'était des branches quoi, dans la brousse africaine, dans la brousse camerounaise. Et les deux côtés, j'avais 12-13 ans, je crois. Et c'est là où en plus tu commences à réfléchir, à avoir des idées un petit peu plus politiques qu'avant. Et ouais, ça m'avait choqué, je me rappelle, de voir ces deux faces ultra riches et ultra pauvres côte à côte. Une personnalité ou un personnage qui a, ouais, je vais dire changé ma vie, mais qui a complètement revu mes pensées ou ma façon de voir le monde, c'est Spinoza. Je crois que je l'ai lu, j'avais 25, 26 ans. Et ouais, à l'école, on te baratine avec Descartes, et Spinoza, en deux phrases, il efface complètement Descartes, et après, ouais, il déroule son raisonnement, il prouve l'existence de Dieu. Bon, pas Dieu dans lequel les religions monothéistes croient, mais il démontre l'existence de Dieu. C'est vraiment un truc, je me rappelle, ça m'avait choqué. J'avais lu ce livre, L'éthique de Spinoza, dans le train au Maroc, parce qu'on était en vacances au Maroc avec ma famille. Et je me rappelle, j'avais trouvé ça vraiment complètement, complètement fou. Je l'avais montré à tout le monde. Ouais, ce type démontre l'existence de Dieu et tout. Vraiment, c'est un truc de fou, ce qui se passe, ce que je suis en train de lire. Et après, par rapport à la vie qu'il décrit dans son bouquin, quoi. Même si d'aucuns peuvent objecter que hier matin, je la connaissais pas et Castor-ci aujourd'hui, je sais même plus où elle se trouve sur la planète. Et l'amour, figure-toi, c'est pas une question d'enduro. Tu vois? Il y a une phrase formidable de Spinoza que j'ai oubliée, mais il avait raison. Et c'est ça, l'amour. L'éthique, c'est vraiment mon livre, parmi tous les livres que je préfère. Il décrit tous les sentiments humains, comment les affronter, comment vivre, comment bien vivre. Je pense que ouais, il m'a profondément changé, même si j'ai pas pu lui parler. Et je me rappelle juste avant de venir ici au Rojava, j'ai fait un pèlerinage en Hollande sur sa tombe et même l'endroit où il vivait et tout ça, parce que moi c'est vraiment un second Jésus pour moi, Spinoza. Tout ce qu'il arrive à démontrer, et en plus c'est assez paradoxal, j'ai envie de dire, parce que l'époque où il est né, en fait c'était full capitalisme, Amsterdam et Londres, c'était les deux cités complètement capitalistes qui a effacé Venise, Gênes et Florence. Et voilà, il est né dans cette ambiance-là. Il était juif. Il a affronté les docteurs juifs en disant non, c'est pas la bonne façon de penser. Une personnalité qui m'a bouleversé ou qui m'a fait complètement changer, c'est Spinoza. Juste avant d'aller en éducation idéologique à la commune, parce que de temps en temps, ouais, y a des éducations idéologiques où on apprend l'histoire du parti, ce que le parti veut faire, l'histoire de Serro Capo, l'histoire des Kurdes, ce que signifie l'éthique, ce que signifie avoir une bonne vie, une vie droite. Juste avant cette éducation qui a duré un mois, j'ai été invité à manger dans une maison à Derrick, on a mangé des patates. Il y avait cette maman, et elle avait deux filles après la vingtaine, un fils qui était là, elle me racontait son histoire. Et son histoire est vraiment, vraiment incroyable, quoi. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est assez caractéristique des histoires de mamans, de femmes ici. Et en plus, elle parlait quelques mots en français, donc c'était assez, assez marrant. Elle parlait russe couramment, je crois, parce qu'elle était allée en Russie avec son mari. Et du coup, ouais, elle parlait de son mari qui est tombé chéïde, qui est tombé martyr pour la cause kurde. Son fils aussi est tombé chéïde pour la cause kurde. Elle a trois fils, donc un fils qui est tombé chéïde. Et un autre fils qui était à Deir ez-Zor. Et du coup, voilà, elle avait peur pour lui. Et elle s'est mise à pleurer. Elle disait, j'ai déjà perdu un mari, j'ai déjà perdu un fils. J'ai pas envie de perdre un second fils. C'était vraiment un des moments les plus compliqués, je crois, d'ici. Même devant son fils et ses deux filles, elle parlait de ça. Je sais qu'on a besoin de se battre et tout ça, mais je peux pas envoyer tous mes... Enfin, si, je peux envoyer tous mes enfants, mais j'ai pas envie de le faire. En fait, c'est pas mon choix, quoi. Enfin, si c'était mon choix, je les garderais près de moi. Mais ça m'avait tellement touché que je lui ai passé mon kéfier. Et c'était un kéfier que, voilà... Il me tenait à cœur, kéfier de Palestine. Il m'a dit, oui, c'est bon, tu es mon fils, reviens ici quand tu veux. Et, ouais, ça m'avait énormément touché. Et voilà, ça, c'est un visage que j'oublierai jamais, même si j'avais un Alzheimer. Sen Kurdistan'ı le même style que la Madeleine de Proust. J'avais ces cookies que l'art me faisait avant, vraiment excellent. J'avais d'ailleurs écrit un texte à propos de ça, parce que j'avais eu la même question en français quand j'avais 11 ans, je crois. Et du coup, j'avais écrit un texte sur les cookies, je me souviens. Et la prof avait trouvé ça formidable. 9 sur 10, je crois. Elle avait vraiment trouvé ça... Elle avait jamais vu ça de sa vie. Parce que ouais, les cookies étaient tellement bons. J'ai mis toute ma volonté dans cette petite feuille de papier pour décrire ce que je ressentais quand je mangeais les cookies, quand je touchais les cookies aussi, qui étaient très moelleux. L'anecdote avec ça... ces cookies étaient très bons, hein. Y a pas de problème là-dessus, mais l'anecdote avec ça, c'est que je suis devenu vegan ou antispéciste, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai fait moi-même mes cookies et j'ai dépassé ma mère en termes de qualité. Et vraiment, je suis extrêmement fier. Elle m'a dit, oui, bravo mon fils, tu m'as dépassé en termes de qualité. Et tout le monde dans la famille a trouvé que mes cookies étaient très très bons en termes de qualité, de moelleux, de goût. Et voilà, c'est vraiment un truc, c'est vraiment la petite anecdote sympa. Et en plus, voilà, ils sont vegan, donc pas de problème avec ça. Et pour ici, ma Madeleine de Proust pour le Rojava, Ouais, quelque chose qui me plaît énormément ici, c'est de regarder le ciel étoilé quand la nuit tombe. C'est quelque chose de magnifique. J'habite à Toulouse et du coup, ouais, je vois pas ça tous les jours. J'étais un mois en éducation et je dormais dehors et tous les soirs, je restais des heures à regarder le ciel, à regarder les étoiles filantes, en plus en été. C'était vraiment quelque chose de magnifique, ce ciel étoilé. Et ce qui me gêne dans le ciel étoilé maintenant, c'est les satellites de monsieur Elon Musk. Franchement, il nous gâche le paysage avec ses satellites, mais c'est vraiment quelque chose de formidable, le ciel ici. Anarchie, pour moi, ce n'est pas l'anomie. C'est-à-dire, beaucoup de gens confondent anarchie et anomie. C'est-à-dire, à la télé, on nous bassine, on nous répète sans arrêt, oui, c'est anarchique, c'est le bordel, c'est le chaos, il n'y a pas de loi, etc. Mais ça, c'est pas l'anarchie, c'est l'anomie. Sans loi, c'est l'anomie. Et beaucoup de gens confondent les deux. Et même moi, au début, je confondais les deux. C'est un truc que la modernité capitaliste a réussi à nous implanter dans la tête. Mais pour moi, l'anarchie, c'est... Je reviens à la racine du terme. L'anarchie, c'est sans hiérarchie. Une société anarchique, c'est une société complètement horizontale. C'est vers ça que tendent les anarchistes, même si je pense pas qu'en réalité ce soit possible. Peut-être je me trompe. C'est un peu une utopie. C'est quelque chose d'inatteignable. On tend vers l'anarchie, toujours plus d'équité entre les êtres humains. Et je pense aussi que la nature est un peu anarchiste. Kropotkin aussi parle de ça. Il n'y a pas de hiérarchie dans la nature, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie entre les différents êtres vivants. Et justement, c'est l'humain qui a mis l'humain au centre avec l'humanisme. À l'époque, peut-être que ça avait son intérêt. Mais maintenant, je pense que c'est complètement dépassé. Avec les nouvelles études qui sortent tous les jours presque, on voit que les animaux sont des êtres sensibles, sentients. Anthropocentrisme, c'est l'homme au milieu. Mais théocentrisme, c'est Dieu au milieu, et biocentrisme, c'est la nature au milieu. C'est-à-dire que la nature, voilà, c'est elle qui nous fait, et on fait partie de la nature. On fait partie intégrante de la nature, on n'est pas au-dessus de la nature. Je pense que ça a été une des plus grosses erreurs de ces 300 ou 400 dernières années, de mettre l'homme au-dessus de la nature. On voit très bien maintenant que, avec le changement climatique et tout ça, que l'homme, en fait, il est rien dans la nature. Il fait que partie d'un plus grand ensemble. L'anarchie, pour moi, c'est ça, c'est savoir que voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans la nature et que on doit tendre vers ça. Alors, pour comprendre l'antispécisme, il faut comprendre le spécisme. Le spécisme, c'est une discrimination qui est basée sur le critère d'espèce. Donc, c'est on va partir du postulat que l'espèce humaine, Homo sapiens, est globalement supérieure à toutes les autres espèces animales, et ça induit une hiérarchie entre les espèces qui fait que certains des intérêts pourtant fondamentaux d'autres espèces animales vont être négligés au profit d'intérêts parfois très secondaires des êtres humains. Globalement, on va accepter d'exploiter, de mutiler, de mettre à mort, d'enfermer certains êtres sensibles, sentients, au profit de, par exemple, un plaisir gustatif ou un sport ou un loisir, par exemple, pour les humains. En fait, je suis quelqu'un de très sensible et du coup, je rigole très très souvent, mais je pleure, mais je sais pas si on peut appeler ça pleurer, je pleure pas à chaudes larmes, mais ça me monte et je sens que j'ai envie de pleurer, mais ben voilà, je m'arrête juste avant pour pas qu'on me demande ce que j'ai ou ce qui va pas, mais par exemple, ouais, je vais dire une bêtise, mais je regarde un Disney, j'ai envie de pleurer, enfin tu vois, ou même un Miyazaki, ou même je lis une histoire et j'ai envie de pleurer, ou là par exemple, je sais pas si c'était la dernière fois, mais l'histoire de Cheïd Sara, j'ai lu ses mémoires de prison. Franchement, c'est inimaginable ce qu'elle a vécu, comment elle a pu résister à autant d'humiliation, de dégradation. Je me pose la question souvent, comment font les gens pour résister à tant de méchanceté, à tant d'humiliation, parce que c'est vraiment, vraiment émouvant ce qu'elle raconte dans ses mémoires. Müzik Ces deux bouquins, il y a le troisième, il n'est pas encore traduit. C'est incroyable ce qu'elle raconte, et même son parcours, tout son parcours, ce qu'elle a fait pour le mouvement, pour les femmes du Kurdistan, je trouve ça incroyable. Et en plus, elle a été assassinée à Paris. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment incroyable. Son parcours, toutes ces années de prison, elle n'a pas lâché une seule fois. Elle a résisté alors que à côté, c'était le quartier des hommes qui petit à petit craquait. Elle est restée droite, toujours se battre pour la liberté des femmes, toujours se battre pour sa propre liberté. Je sais pas si c'est vraiment pleurer, mais je pleure de joie quand je vois des enfants courir derrière là-bas. Je me dis, ah, il y a de l'espoir, tout n'est pas perdu. Je vois encore des enfants qui jouent, tu vois. Ça me fait quelque chose au cœur dès que je vois des enfants jouer ou courir là-bas, rigoler entre eux. Ouais, après, je me souviens pas exactement de la dernière fois où j'ai vraiment pleuré. Peut-être quand je repense à la révolution ici, ou même en France, ouais, dans le monde, comment on en est arrivé là, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible de gagner contre ça. On va pas gagner. Même si je pense que, voilà, c'est impossible ou très très compliqué de gagner. Et Antonio Gramsci le disait très bien, je suis pessimiste par l'intellect, mais optimiste par la volonté. C'est-à-dire que moi, j'ai complètement fait mienne cette phrase. C'est-à-dire, je pense que, voilà, la raison nous pousse. Et c'est être réaliste, c'est pas être pessimiste. Le monde, comme il est maintenant, il court vers la destruction. Si on fait rien pour l'empêcher, c'est sûr et certain, il sera détruit. Mais il faut quand même, même si on pense qu'il sera détruit, il faut quand même se battre pour essayer de sauver au moins une vie, un enfant, une femme, un parent, une grand-mère. Se battre tous les jours. Des fois, je pleure ou même j'ai mon cœur et je sais pas comment expliquer. C'est dur à expliquer et en même temps, c'est si simple que je pense que ça arrive à tout le monde. Il y a trop de sentiments, trop de choses, ouais. Comment on va faire pour gagner? En fait, c'est pas cette question-là qu'il faut se poser. C'est comment faire pour lutter, pour continuer à lutter? Comment faire pour ne pas baisser les bras? Comment affronter cet ennemi, même s'il est indépassable, même si on n'a aucune chance de gagner? Comment faire face dignement en tant qu'être humain? Après, je relativise aussi beaucoup, donc ça m'aide pas mal à tenir. Je me dis que, voilà, même si c'est compliqué, on doit continuer à se battre. Il y a des vies qui sont dans de moins bonnes conditions que la mienne. Et voilà, je dois continuer à me battre pour essayer d'apporter mon petit grain de sel ou petit grain de sable parmi tous les révolutionnaires qu'il y a ici ou qu'il y a dans le monde, que ça fasse une grosse, grosse avalanche de sable après. Je crois que j'ai un second rêve après devenir pirate, c'est devenir un médecin pour aider le maximum de personnes, pour comprendre le maximum de personnes, pour parler avec le maximum de personnes, pour essayer de savoir chaque individu ce qui ne va pas dans sa propre vie. Et j'ai étudié la médecine durant 2 ans en France, mais les études en France sont complètement rongées par le système capitaliste. Même dans le public, on voit ça. Les professeurs sont complètement hors sol. Moi, je voulais justement j'étudiais la médecine pour voir ce qu'on apprenait à faire au docteur. Parce que plein de fois, je suis allé chez le docteur et je l'ai trouvé complètement hors sol. Filer des médicaments parce qu'ils avaient la pression des laboratoires pharmaceutiques. Et en sachant que, voilà, Hippocrate disait « La première médecine, c'est ton alimentation. » Est-ce quelque chose qui reste vrai, peu importe l'époque ou peu importe le temps? Maintenant, voilà, on t'a mal à la tête, on te file des médicaments. Et après, je ne parle pas pour les maladies chroniques ou les maladies graves. Voilà, si on mangeait mieux, on n'était pas bourré de McDo et de plats sucrés, Je suis sûr on vivrait plus longtemps, on vivrait mieux. Mais ouais, mon second rêve, c'est d'être un médecin pour aider les gens. Et dans 10 ans, c'est peut-être aussi un rêve irréalisable. Mais en 10 ans, ouais, je me vois étudier la médecine à Cuba. Parce que Cuba, voilà, c'est réputé dans le monde entier pour ses médecins. Et les médecins savent ce qu'ils font, qui n'ont pas la mentalité de l'Occident, qui restent de vrais et de bons médecins, je pense. Notamment Fidel Castro qui a mis ça en place. C'est vraiment, vraiment formidable, même pour le Covid-19, ouais, les médecins. En Italie, c'est vraiment un truc, c'est le seul pays au monde à avoir fait ça. C'est pouvoir peut-être étudier la médecine quand je deviendrai trop vieux pour aller faire ce que je fais ici. Un des plus grands classiques français que j'admire énormément, Victor Hugo, Les Misérables, c'est vraiment quelque chose. Il te décrit ça avec une telle justesse, une telle vérité dans ses écrits, que t'as l'image qui vient te taper sur la tête. C'est vraiment incroyable, une telle force dans l'écriture. C'est quelque chose aussi qui a bouleversé ma vie. Je l'ai lu, je pense, ouais, j'avais le même âge, je crois, 25, 26 ans, que L'Éthique de Spinoza. Il y a des passages entiers, des Misérables qui seraient à citer. Il faudrait que je le relise pour savoir exactement les passages, mais je me rappelle, j'ai corné les pages, mais... Parce que j'ai corné tout le bouquin, tellement il y a des passages qui sont magnifiques. Comment il décrit le parcours de Jean Valjean, c'est vraiment, on voit qu'il a à cœur de se mettre à la place des indigents, du peuple. Des fois, je m'arrêtais juste pour avoir à lire le lendemain, même si j'avais envie de lire tout le bouquin d'une seule traite. Je m'arrêtais juste pour prendre mon plaisir de lire mot à mot ce qu'il disait, quoi, enfin. En 1804, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était curé de Brignoles et il vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens Monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna. Quel est cet homme qui me regarde ? Sire, vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. Chanson. Ah, je vais quitter le domaine révolutionnaire et philosophique, mais une chanson qui m'a marqué, qui continue à me marquer. Je pense j'avais, ouais, pareil, 10-11 ans en fait. J'avais 10-11 ans et je jouais au foot avec des gens qui étaient plus âgés que moi, dans la même école, mais on était en décalé par rapport aux classes. Eux, ils sortaient en boîte. Moi, je pouvais pas à l'époque, trop petit pour sortir en boîte. Et du coup, ils m'avaient fait écouter une chanson sur son portable, sur son vieux portable. C'était Carmen, Time to Move. Et j'avais trouvé cette chanson fantastique. Et la première fois où je suis allé en boîte, j'ai entendu. Ça fait tilt et je crois que c'est la première chanson sur laquelle j'ai dansé en boîte et même encore aujourd'hui je l'écoute parce que ça me met comme au cœur et voilà, ça me fait me souvenir des bons moments que j'avais à cette époque. Je pense qu'il y en a plusieurs résistances. Je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est les résistances de tous les jours, les résistances qu'on voit quotidiennement. Par exemple, on discute avec quelqu'un, il nous fait changer d'avis, ou on nous fait changer d'avis sur sa façon de voir le monde, sur sa façon de voir le capitalisme, sur sa façon de voir les animaux, sur sa façon de voir les femmes, de comprendre comment est le monde. Et je pense, ouais, que c'est tous les jours qu'il y a des micro-résistances à l'intérieur de nous, mais il y en a tellement que les personnes résistent à leur manière. Si c'est par exemple un homme, c'est normal que tu résistes, que t'essayes de résister plus au patriarcat. Il y a ta façon de parler tous les jours, parce que le langage capitaliste te met en tête des mots qui ne correspondent pas vraiment à l'égalité entre hommes et femmes. quelque chose que je trouve incroyable, c'est les tech mille. De parler, critiquer l'autre, tu peux te faire une critique toi-même. On doit avoir ce lien de camarade que ça puisse se généraliser. On doit avoir confiance l'un dans l'autre, de pas te descendre, pas critiquer pour critiquer, mais critique constructive pour mieux résister après, pour affronter en fait tes propres erreurs. La révolution, maintenant on sait que ça ne viendra pas d'une personne, mais de tout le monde, du monde entier, de tous les peuples. Si on veut vraiment résister, ce n'est pas seulement ici, au Kurdistan, ou au Mexique, avec le Chiapas, mais c'est tout le monde qui doit changer sa propre mentalité. Et même en France, hein, je vois des résistances. Avec ma famille ou mes amis, par exemple, quand je leur ai dit que j'étais devenu vegan, ils m'ont regardé avec des yeux. Et petit à petit, ils voient que c'est tout à fait normal de suivre ce chemin-là. Même avec ma copine, elle m'a beaucoup critiqué au début de notre relation. Parce que j'avais une façon de regarder les filles qui lui convenaient pas. C'est petit à petit où j'ai compris que, ouais, en effet, elle avait raison, que voilà, c'était pas une façon normale de regarder les filles. Au début, non, j'étais pas d'accord avec elle. Petit à petit, elle m'expliquait à chaque fois qu'elle prend le métro, elle baisse la tête, elle met ses écouteurs, pas qu'on la regarde, pas que, voilà, on lui parle. Je trouve ça dur. Et moi, je pensais que j'étais pas comme ces hommes-là qui regardent ou qui parlent, mais en fait, si tous les hommes, je pense, dans le monde occidental sont comme ça parce que le capitalisme a réussi à te faire regarder les femmes comme des objets, et du coup, t'as grandi dans ce moule-là, et c'est ma copine qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ça, je sais que j'ai encore des efforts à faire là-dessus, mais moi j'ai progressé, je pense avoir progressé dans cette façon de regarder les filles, et voilà, c'est une résistance que moi-même j'ai fait, et je sais que c'est compliqué de résister à ce niveau-là, et je sais que quand on te critique comme ça, c'est compliqué au début, mais après tu réfléchis et tu sais que voilà, t'avais tort. Là, en fait, c'était un mini tech mille entre moi et ma copine. Ici, j'ai parlé avec un Américain de 10 ans de moins que moi, et je lui disais que j'étais vraiment surpris de voir autant de jeunes se radicaliser de plus en plus. C'est plaisir à voir, c'est vraiment incroyable cette radicalité-là, parce que justement, on n'a plus le temps de bavarder ou de... comme dans les années 70, 60. Il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant. Moi, je me rappelle, quand j'avais 20 ans, c'est un peu un discours de vieux con que je vais faire, mais je me rappelle quand j'avais 20 ans, je faisais n'importe quoi. Et là, de voir ces jeunes-là aussi cultivés idéologiquement, aussi révolutionnaires à cet âge-là, je me dis, c'est bien. Et peut-être dans 10 ans, il y en aura encore de mieux qu'eux, enfin, de plus cultivés idéologiquement. Et je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Que plus on avance, il y a certaines choses, on régresse, mais on voit qu'on évolue quand même de la mentalité des gens eux-mêmes. Même si le capitalisme pousse à davantage de destruction, on voit que les gens, ils évoluent de façon positive. Les jeunes des générations futures, je suis sûr qu'ils sont encore plus forts que nous, idéologiquement, pratiquant la révolution tous les jours, avec eux-mêmes et avec les autres d'eux. Ce podcast a été possible grâce à l'accueil chaleureux de la commune internationaliste de Rojava et celui des Yépégé International dans le courant de l'année 2022. Grâce à l'implication de plusieurs camarades d'horizons différents, nous en avons réalisé des versions en plusieurs langues afin que davantage de personnes à travers le vaste monde puissent prendre connaissance de cette noble résistance et des valeurs qui la nourrissent. Nous remercions les contributions externes, même involontaires, via extraits sonores et chansons. Nul enrichissement n'est à l'horizon.